Vous êtes sur Énergie, salut tout le monde, bonjour. Oui, bah oui, on est de retour, écoutez, hein, il est l'heure. Hein. Eh oui. Énergie 4h. C'est Cédric avec George Ezra, écoutez, dans le pays, c'est Énergie jusqu'à 6h, c'est le meilleur de Mickaël, le Rico Choco et le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Bon réveil. Alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. Someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Énergie, c'est Cédric, salut tout le monde, bon réveil, j'espère que tout va bien ce matin. Bon oui, que vous avez bien dormi, évidemment, il est un petit peu tôt quand même pour se réveiller. Alors écoutez, Calvin Harris dans la playlist Énergie, nommé pour l'Energy Music Awards. Vous avez jusqu'à vendredi soir pour voter sur energy.fr. Voilà, vendredi soir minuit, c'est précis. Calvin Harris, Angèle, Snake, ça arrive, et puis le meilleur de Mickaël, 23h le soir en direct sur Énergie et le matin en best-of, écoutez. Bon, c'est les appels bienveillants maintenant, avec toujours cette information selon le magazine Biba, les couples qui font souvent l'amour hors du lit sont plus heureux sexuellement et visiblement, il faut pas trop se prendre la tête non plus, pas besoin d'aller à gauche, à droite, changer de maison, aller dehors, dans la voiture, à la plage, à la piscine, bon bref, changer peu importe. De maison. Non mais tu vois, je veux dire aller chez des potes, à dans piscine, un hôtel ou quoi. Non, vous pouvez simplement rester chez vous et changer de pièce par exemple, suffit amplement. Donc du coup, Tof, tu vas prévenir pour annoncer la bonne nouvelle. Bah oui, allons-y. Toujours évidemment, grâce au numéro que vous envoyez sur toph@energie.com. Allez hop, c'est parti, on y va, on appelle. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir madame ! Bonsoir. Oui, je vous appelle parce que je voulais savoir, est-ce que vous faites souvent l'amour ailleurs que dans votre lit, madame ? Et puis ta sœur, elle te demande, toi, connard ? C'est quoi le rapport, madame ? Je comprends pas. Ah, allô ? Effectivement, j'ai pas compris non plus. On rappelle ? Bah oui. Allez, hop. Espèce de gueule de mort, ça va foutre ? Bah oui, madame, si j'avais autre chose à faire, je vous appellerai pas, c'est logique. Non, mais attends, mais il faut aller vous faire soigner, là. C'est quoi vos questions à la con, là ? Bah, elle est pas con, la question, madame. Je veux juste savoir si vous faites souvent l'amour en dehors de votre lit. Eh ben, tu demandes à ta mère. Bah, pourquoi vous lui demandez, madame ? Elle vous connaît pas ? Ah bah, encore une fois, raccroché. Elle est très sympathique, hein. Adorable. On rappelle. Je sens l'amour dans sa voix. Ah oui, ça, on se rend tout de suite. Il y a quelque chose, il y a un feeling. Oui, allô ? Oui, qu'est-ce que tu veux, quand t'as un truc, je t'encule, moi, petit pédé. Mais pas du tout, monsieur, les pédés, ça se dit pas, c'est homophobe. Mais va te faire enculer, ça, fils de pute, tu rappelles, je nique ta race. Oh non, non, monsieur, pas de ça entre nous, ça se dit pas, des choses comme ça. Va te faire enculer, je vais te dire, pédé. Non, pédé, c'est homophobe, va monsieur, je viens de vous le dire. Non, allez, monsieur. Va te faire enculer, je te dis. Non, pas de ça entre nous, monsieur. Non, pédé, non, arrêtez. Va te dire comment tu viens, moi, je te dis comment je t'encule, petite salope. Oh non, monsieur, non, c'est très violent ce que vous dites là. Écoute-moi bien, tu rappelles, j'appelle des flics, te fous dans la merde, tu m'entends. Bah oui, mais vous voulez pas juste répondre à la question, monsieur. Va te faire enculer, je vais te dire, comme t'es mort. Bah oui, mais ça a aucun rapport, monsieur, va tout ça. Va te faire enculer. Bah oui, mais c'est très violent ce que. Bah oui, mais c'est violent, monsieur, pour rien. Allô. Faudra peut-être lui demander de s'acheter des meubles. Oui, parce que te calmer un peu aussi, parce que. Oui, oui. Son cœur va pas tenir là. Ah bah ça, c'est sûr. Bon, on rappelle. Oui, monsieur, c'est pas la peine de vous énerver comme ça, monsieur, on peut discuter calmement. Faut vous détendre, vous avez que ça à faire de vos journées. Ah bah oui, madame, moi j'ai que ça à faire, hein, sinon je vous appellerai pas. Eh bah, si vous avez que ça à faire, nous ça nous intéresse pas, donc à un moment donné on arrête les conneries, puis on n'insiste pas. Bah, vous répondez à la question, après on souhaite une bonne soirée, madame, c'est normal, on fait les choses dans l'ordre. Je vais répondre aux questions à des gens que je ne connais pas, vous êtes derrière un téléphone, moi je vous connais pas, donc déjà ma vie personnelle ne vous regarde pas. C'est pas votre vie personnelle, madame. Oui, c'est ma vie personnelle, bien sûr que si, c'est notre vie personnelle. Bah. Donc maintenant, je pense que mon mari il a été clair. Donc cette fois-ci... parce que j'ai pas de réponse à ma question, donc c'est pas clair, madame. Eh ben, vous aurez jamais de réponse à votre question, de toute façon, pour avoir raison, ça ne vous regarde pas. Bah non, non, madame, vous pouvez pas dire des choses comme ça. Y a pas de choses comme ça. Eh non, mais attends, sans déconner. Et maintenant, je vais même plus vous voyez, je vais dire, écoute-moi bien ce que j'ai à te dire. Oui. C'est ça que ça à foutre de tes soirées. Oui. Tu t'es payé pour des conneries. Ah non, non, je suis au chômage, madame. Ah bah alors, t'es au chômage, en plus, ça, tu casses les couilles aux gens. Alors, tu sais quoi, parce que t'es au chômage, tu profites des gens comme nous qu'on travaille pour payer ton putain de chômage de merde. Et en plus, ça, tu nous casses les couilles. Alors maintenant, mais pas du tout. T'emmerdes, tu vas voir ta gonzesse, tu vas arrêter ta gonzesse. J'en ai pas, parce que maman elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Ah ouais, mais t'as vraiment l'air con, mon pauvre gars. Franchement, déconner, hein, t'as vraiment l'air con, hein. Faut vite changer de mentalité, parce que franchement, tu vaux rien, tu vaux pas une claque. Oh non, madame, non, dites pas ça. Allô ? Oui, allô, monsieur. Oui. Bah, vous voulez pas juste répondre à la question, comme ça on pourra souhaiter une bonne soirée ? C'est quoi votre question ? Bah, c'est de savoir si vous faites souvent l'amour en dehors de votre lit. Mais ta grand-mère, la sale pute, qu'elle fait l'amour en dehors de ton lit, salope de mort. Bah ça, je sais pas, faudrait que je demande à ma grand-mère, monsieur. Mais demande-y à ta grand-mère, la pute. Oh non, monsieur, dites pas ça, c'est pas gentil. Écoute-moi bien, petite tête de mort, je vais t'enculer ta race. Oh non, non, monsieur, non, ça c'est très violent, ça se dit pas nique des choses comme mère, ça. Nique ta mère, nique ta mère. Mais pourquoi voulez-je que je fasse ça, monsieur, ça a aucun rapport. Ta mère, bâtard de mort. Non, monsieur, non, arrêtez de dire des choses comme ça. Ferme ta gueule. Bah ça sert à rien, monsieur, de dire ça, ça répond pas à la question. Ferme ta gueule, bâtard. Bah oui, moi j'aimerais bien, monsieur, raccrocher, vous souhaiter une bonne soirée, mais vous répondez jamais à la question. Ferme ta gueule, petit fils de pute. Ah bah de nouveau raccroché. Eh bah très bien, il était sympathique le fils ou le petit-fils ou le mari peut-être, je sais pas. Vraiment une famille très gentille. Oui, oui, très gentille, on rappelle. Et on embrasse ta grand-mère, évidemment. Bah oui, on sera très heureux de l'apprendre. Je crains que ça ne décroche plus. Ensuite. Eh ben ça n'a plus décroché, c'était sûr. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Are you drunk or not? Gonna judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling. I'm here now, energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. I made no promise. promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Et vous êtes sur Énergie, salut tout le monde, bon réveil. J'espère que ça va ce matin, que vous avez bien dormi. C'est une belle journée qui démarre, on est le 6 novembre. On va écouter Angèle dans la playlist Énergie. Angèle avec aussi Snake et Shawn Mendes. Shawn Mendes qui sera là samedi soir au Énergie Music Awards. Hein. C'est en direct sur TF1 et sur Énergie. On se fait ça juste après le meilleur du Rico Show. 20h, 23h, tous les soirs en direct sur Énergie. Et le matin, c'est le meilleur de l'émission. Le podcast du Rico Show, 20h, 23h. Sur Énergie. On y va, on va chez qui, Clarissa? Allez Clarissa. C'est parti, allez. Silence maître. J'installe. Bonne chance. Je suis Enzo, comme Sylvain, même profil, pareil. Même Tinder, pied okay. D'égalité. Je suis au salon. Hein. Et je coupe de la beubar. Ouais. Barbershop, bonsoir. Ça va Clarissa, ça roule. Tu me fais rire. Ça va, t'es en forme? Ouais, t'as un rire un peu space. Hein. Ça m'arrive de temps en temps. Ouais, t'es en train de craquer là, je pense, non? Ah, j'ai trop bossé, je te jure. Putain, tu sais quoi, ma dernière cliente, c'était une meuf. C'était une meuf. Elle avait une stache mou, laisse tomber. C'est la première fois de ma vie que je rase une meuf. C'est du délire. Et il y a des meufs qui se rasent, hein? Je te jure, je savais pas, c'est un délire. T'as des copines, toi, des pinko qui se rasent la stache mou? Non, j'ai pas de copine poilue, mais tu sais, on a un peu de duvet sur le visage. Il y a des meufs qui supportent pas et qui. C'est ton rire, ça? Non. Ah, je suis en craquage. Clarissa, c'est des bars. Ah, je me fends la poire. Non, je vais te dire, je me fends. Non, je rigole, je m'entraîne. Tu sais, je fais peur à mon cousin là, qui est dans le coin. Il est flippé, c'est un petit cousin, il a 3 ans. Dès que je rigole, il a peur. Il est traumatisé d'Halloween, laisse tomber. T'as fait Halloween, toi? Non, je fais pas ça. Ah non, tu fais pas ça? C'est pas vrai. Ben non. Ah ouais, pourquoi? Ça sert à rien. Ah ouais. Ça sert à rien, c'est pas de chez nous. Ah ouais. Non, moi je suis pas trop fan, c'est conneries d'Américains, je suis pas fan. Non, c'est vrai que le barbershop, c'est pas du tout américain. Ouais. Non. Bon, quand on peut faire du pognon, ça va, je change vite d'avis. Bon, Clarissa, tu fais quoi ce week-end, toi? Demain, il faut que j'aille de ma tante. Non, alors, dans l'ordre. Ah, c'est dommage, j'avais un créneau pour la barbe. J'en ai pas de barbe, donc ça va. Je rigole. Non, alors, dans l'ordre, grâce mat. Ouais, d'accord. Après, il faut que j'emmène ma filleule se faire percer les oreilles. Ouais, ok. Après, je vais aider ma tante à cuisiner, puisqu'elle fait une fête pour l'anniversaire de son mec. D'accord, bah, une petite crêpe aux alentours de 16h, ça va, une petite crêpe, un petit café. Sympa. Là, je serais pas à dispo l'après-midi. Enzo, excuse-moi, t'es au téléphone? Oui, je suis au téléphone. Ah, je te dérange. Oh là je là. Reviens. Non, mais y a pas d'olala. Tu vas dire à la personne ne quittez pas. Je reviens de chez toi. C'était le bordel, ça pue. Tes caleçons sont pleins de cambouis, plein de traces de merde. Franchement, à un moment donné, t'es pas propre, Enzo. Ton salon, tu le tiens bien, mais c'est ton cul, il est pourri. Mais justement. Non, mais j'en ai marre. Tu l'as dit. Bah, je t'attends. Je te raccroche et je t'attends. Mais tu l'as dit, mamie. Mon salon, il est propre. Qu'est-ce que tu veux que mon appart, il soit sale? C'est le petit, là. Il a 6 ans, j'ai prêté mes caleçons, il est pas bien. Tu déconnes ou quoi? Réveille-toi un peu. Hey, je te dis que la SA dans ma famille, ils sont touchés. J'ai peur pour mon avenir. Je vais te dire, je suis pas bien quant à mon avenir, je te le dis. C'est qui? Ben c'est ma grand-mère en fait. On a le petit-neveu, j'ai la famille qui est partout, tu sais. C'était férié compagnie, c'est compliqué. Elle pense que c'est mes caleçons. Elle me dit que c'est propre chez moi, elle veut que ce soit sale chez moi. Elle est folle. Elle me dit t'as des problèmes, t'arrives pas à te retenir. Non, arrête, tu vas pas croire ça. Bon, Clarissa, on se voit demain soir, je vais retourner gérer le petit. Demain soir, on se fait un petit truc, ça va? Je t'envoie un truc, on discute un peu par SMS, on se fait un truc demain soir, ça te va? Ouais, ce sera sur le tard. Hein. Ok, ça va, t'inquiète, je suis pas à couche-tôt. Ok, ma Clarissa, je t'embrasse. Okay, bisous, ma chérie. Bisous. Hey, oh, voilà. Non, mais elle aime la merde au cul, je suis désolée. Non, c'est pas possible. Écoute, Rico is the new winner. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon vie parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Los motores Kawasaki en la discoteca ya ni llegaron los Anunnaki. No le va a él, va. Oh, oh, oh, oh. I am music, I am flows. Boy, he say he wanna touch it and tease it and squeeze it. But my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated, ay. He say he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? Sale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. My body already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. We're getting in the party. It's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie good. Báilame como si fuera la última vez. Enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Énergie, c'est Cédric. Salut tout le monde. Il y a jusqu'à 10 000 euros à gagner tout à l'heure dans le Cash Cash Énergie à 17h30 chez Coé. Vous envoyez Coé au 7-10-12 ce matin pour jouer avec nous cette fin d'après-midi, après les cours, après le boulot. Et puis Coé, on se fait le meilleur de l'émission chaque matin dès le réveil. On se fait ça maintenant. Juste d'arrêt, ce sera Shawn Mendes et Alvaro Soler dans la playlist Énergie. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Allô, Huguette ? Oui ? Oui, bonjour, devine qui c'est ? Bon, c'est un numéro de Lydie, ça, de chez Lydie. Ben oui. Et oui. C'est qui? Ah ben devine qui c'est alors, numéro de chez Lydie. Ah ben écoute, je sais pas, la famille à Daniel, nous. Bon, ouais, c'est la famille à Daniel, ouais, ouais. Allô? Oui, c'est la famille à Daniel. Ah bon? Ben oui, comment ça va? Ça va, mais vous êtes qui? Ah ben, faut deviner qui c'est de la famille à Daniel. Ben non, je sais pas trop. Qui ça peut je être vois pas trop. Qui ça peut être? Ben une brue à Daniel c'est ou un garçon à Daniel. Oui, hein, c'est un des enfants de Daniel, on se rapproche. Ben oui, je sais, mais je vois pas qui c'est. Je vous ai peut-être vu qu'une seule fois, hein. Eh ben oui, ben c'est Michel, le fils de Daniel. Ah oui, ben comment ça va? Il y a de mal toujours. Ah non, tout va bien. On voulait appeler pour dire bonjour. Oui, c'est vrai, des fois quand le téléphone sonne, on croit que c'est une mauvaise nouvelle, hein. Ben oui, parce que c'est pas l'habitude. Ah ben oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, hein. Oui. Oh, ça fait un bouton. Comment que ça va? Ça va à peu près. La santé? Ça va, tout doucement. Tout doucement, ah bon. On prend de l'âge aussi. Ben quel âge ça fait? Moi, j'ai bientôt avoir 80 ans. Oh, ça va, encore en pleine forme, non? Oh, oui, mais bon, j'ai été opérée de la hanche l'année dernière. Vous avez électrocuté le téléphone. Il faut que je marche quand même, et puis j'ai de l'arthrose dans le genou avec autre chose encore. Oui. Alors, tout ça, c'est... Ah ben l'arthrose dans le genou, puis quand il pleut, hein, quand il y a un changement de temps, oui, ça travaille. On dit que c'est le signe de mauvais temps. Ben voilà, il faut remplacer Louis Baudin. Ah, hein, oui, mal au genou, hop, va pleuvoir. Oui. Alors là, vous êtes chez Lydie, chez Daniel. Je suis chez Daniel, là. Ah, bien. Tu veux que je te passe Daniel? Je vais vous passer Daniel. Ou Lydie, oui. Je vous passe Daniel. Daniel, est-ce que tu veux parler à Huguette? Non! Oui, parce que là, j'attends du monde, alors je vais peut-être raccrocher bientôt. Alors, non, je vous passe Daniel, hein. Oui, bonsoir. Attendez, quittez pas. Quitte pas, je te passe Daniel. Oui. D'accord, Daniel, tu veux parler à Huguette? Non! Ah. Tu veux que je... Ah, il veut pas. Ah ben écoutez, tant pis. Vous voulez que je vous passe Lydie? Je vais vous raccrocher parce que là j'ai du monde qui arrive, alors je m'excuse. Ah ben attendez, je vous passe Lydie. Bonsoir à tous. Il y a Lydie qui veut vous dire bonjour. Allô Huguette? Raccroché. Le nom. Elle a senti le coup et le nom lui a pas plu. C'est horrible ce que tu viens de faire. Non. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Help me.

ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Mi cintura, cintura. Vous êtes sur Énergie, c'est Cédric, salut tout le monde, bonne journée, bon réveil, on va écouter Offenbach dans la playlist Énergie, Aya Nakamura juste derrière, ce sera peut-être la révélation féminine francophone de l'année au Energy Music Awards. Vous avez jusqu'à vendredi pour voter sur energy.fr. Offenbach, Aya Nakamura, et avant de le retrouver à 23h ce soir en direct, voici le meilleur de Mickaël sur Énergie. Il y a Chris qui est avec nous maintenant, Chris qui appelle de Liège en Belgique, salut Chris. Quelle horreur. Salut toute l'équipe. Comment salut, ça va? Salut. Ça va bien. T'as va sonné bien. Pour un peu t'appeler dans, t'as parlé dans le cornet pour nous appeler. Là, là, là, là, là. Il a décroché le GSM et j'ai pris le cornet. T'as appelé au 70 90 91 92 ou quoi? Ça faisait longtemps qu'on avait plus de Belge depuis qu'on l'ait plus diffusé là-bas. Ah oui, forcément. Il y en a beaucoup qui écoutent mais par internet. Ouais. Et d'ailleurs, je rappelle que pour tous ceux qui sont en Belgique par exemple, vous pouvez nous appeler également au 00331 40 71 5000. Ah non, non, tu t'es trompé. Ils peuvent nous sonner au 71 91 92 77. Ils savent nous appeler. Bon, 79. Vous avez décidé d'être lourd là. Mais j'ai rien dit, c'est toi qui as dit que tu fallais appeler. Dupont là, vous trouvez ça drôle? Non, on est alors fier d'être français. Ouais, ben je vois pas le rapport. Alors. Bon, Chris, alors tu nous appelais pourquoi toi? Tof. Ben en fait, justement, le problème d'insomnie, moi je l'ai en fait depuis ma plus jeune enfance. Ouais. Et ben il y a un an, j'ai trouvé un produit en fait qui est vendu à la pharmacie. Ah, toi, c'est de la drogue, tu nous en parles pas. Hein. Oh. Mais non, comment ça, un produit? Ça s'appelle l'eau de Javel. Oh. Regardez, ils sont contents, hein, ils rigolent. Les petits cachets, ce qu'ils préfèrent. Qui contiennent en fait, c'est homéopathique. Ah, c'est homéopathique? Non, non, c'est homéopathique. Non, c'est homéopathique. D'accord. Ça contient vitamine B, magnésium. Et un peu d'acide. Oh là là! Ça te cloue au lit! Non, mais vous allez pas nous casser les murs là! Je suis cloué au lit! Tu ne sais plus te lever! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, tu vas pas dormir avec ça! Alors, ben, bah, eux vont pas s'endormir, ça c'est sûr! Bon, bref, et donc du coup, avec ça quoi? Du coup, tu t'arrives à dormir? Oui, donc en fait, ça fait développer au cerveau la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Et bah, comme je dis, ça se trouve en pharmacie, je crois que ça coûte une trentaine d'euros quand même, oh, la quand boîte même. Avec 60 cachets. D'accord. Mais pourquoi c'est le marge? Qu'est-ce qu'il y a de drôle encore? J'ai l'accent pas. Polo qui me fait taper. J'ai l'accent, j'ai pas d'accent, je dis que c'est un budget. D'un mytho. Oh là, il faut, je pense qu'on l'a perdu, Amina. Oh putain. Oh là là. Oh là là. Bon bref, est-ce qu'on sait l'écouter? Oui, on sait. Bon, et alors du coup, quoi? Grâce à ça, donc t'es plus insomniaque, c'est ça? Ben oui, maintenant ça prend un petit temps pour agir. Il faut le prendre chaque jour. Et, Mais c'est pas mieux quand même de demander l'avis d'un médecin? Pendant deux ans, hein, donc bon, après, non, mais, faut pas être pressé. Ça, quoi. Ça m'a été conseillé par mon médecin traitant, justement. Ah ouais? Et ben, ça évite justement de prendre des somnifères chimiques et tout ça, quoi. Et après combien de temps ça marche bien? En fait, il faut le prendre chaque jour et après deux semaines, justement, ça marche bien. Non, mais après, je serais quand même d'avis de prendre des infos, tu vois, auprès d'un médecin, je veux dire. Mais c'est la pharmacie qui va recommander. Donc voilà. Maintenant, c'est mieux de demander au médecin, évidemment. Bah, surtout si tu peux peut-être te faire rembourser parce que 30 balles pour ça, c'est abusé quand même. Non, mais c'est vrai, c'est super cher. T'es d'une lourdeur, Amina, mais c'est pas possible. Demandé, très sérieux. Regarde là. Tu t'ouvres pas, Amina? Ah, oh, putain. Elle est contente, hein. Elle a fait sa vanne là. Oh là. Elle rigole, regardez là. Regardez la merde. Faut que quelqu'un lui fasse du bouche à bouche. Ah non, quelle horreur. Je vais aller prendre le défibrillateur. Le truc là. Oh putain, on a pas le droit de se marrer ici. C'est ah fou, ben ça. Non, on est pas là pour ça là. Je ne veux pas le même médecin. Ah, que celui d'Amina? Ah ouais, non. Je te confirme. Je te confirme, il vaut mieux éviter tant qu'à faire. Oh là là, Jean-Michel, premier degré ici, waouh. Oui, et alors? Non, c'est parce qu'avant, j'avais des cachets pareils. Que mon médecin m'avait prescrit, j'avais des cachets pareils. Et en fait, il suffit qu'un coup, les gendarmes m'arrêtent en voiture. Et ils ont trouvé de l'amphétamine et méthamphétamine dans mon... Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Quoi? Donc ouais, ton médecin t'a prescrit des médocs et il y avait des amphètes dedans, t'avais essayé de nous faire croire ça. Arrête de te foutre de notre gueule. Non, du tout. C'est le tribunal de Jean-Laurent. Quand ils m'ont fait le deuxième test, et bah, ils m'ont retiré le permis deux jours. Et en fait, il suffit que deux jours après, quand j'ai reçu le nouveau test, j'étais négatif. Effectivement, j'étais négatif, mais c'est un trompe. Non mais attends, revenons sur les amphétamines, les méthamphétamines, je sais pas quoi là. C'est quoi cette histoire? Je sais pas c'est quoi. Comment ça, tu sais pas c'est quoi? Tu marches pas dans la rue, puis tout d'un coup, il y a un sachet qui te tombe du ciel. Oh, la bête. Tout ça est interdit, évidemment. Évidemment. Bien sûr. Non, c'est à cause des cas-là qui ont fait que les tests s'avèrent positifs. Mais en fait, non, je n'avais pas pris non plus. Quoi. Ah ouais, d'accord, ok, encore une histoire bizarre, quoi. Ouais. Chris, eh ben oui. Chris, merci d'avoir appelé en tout cas. Tu rappelles quand tu veux. Oui, ah ouais. Salut. À tantôt. Salut, allez, ciao, à bientôt. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Jam. I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt pants are turning ugly into Neverland. Yeah, you smile and take my baseball cap. Elle attend vos votes sur énergie.fr. fraîche, moi. Vous êtes sur Énergie, c'est Cédric, j'espère que tout va bien ce matin. On va écouter pour la suite Jane dans la playlist Énergie, elle sera là samedi au Energy Music Awards. Jane avec aussi Maroon 5 et Maître Gims. Et avant de le retrouver ce soir à 20h, voici le meilleur du Rico Show sur Énergie. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur Énergie. Yes! Allez, avec vous jusqu'à 23h les amis, on est hyper contents. Hyper contents d'être avec vous. Et il y a Babouchka qui dit: c'est en faisant une copie de mon acte de naissance que j'ai appris que mes parents avaient déjà été mariés étant jeunes. Wow. J'ai été choqué. C'est vrai que les parents, il y a pas mal de zones d'ombre là, comme a dit Babouchka sur Ricochet sur Énergie, sur le hashtag. C'est vrai que moi, il y a pas mal de choses que j'aimerais savoir. Oh, je cuisine toujours, mon oncle, tu sais, les tantes. T'as jamais envie de savoir hein, le. Toi, on connaît ça, moi, il est lourd. Le petit. C'est ça, moi, le problème, c'est que je sais tout. Il s'en est pas caché, mais c'est vrai que, enfin, pas des trucs intimes, etc. J'aurais aimé savoir autre chose. Quoi ? En fait, les parents, ils jouent souvent les gens un petit peu neutres sur les frères et sœurs. Moi, je voulais savoir mes parents, en vrai, ils préfèrent qui ? Parce qu'il y a toujours un préféré. Ah, est-ce qu'ils préfèrent c'est, quelqu'un ? Ben, c'est pas possible qu'on soit sur le même piédestal. Il y a toujours un préféré. Tu crois ? Ouais, j'en suis sûre. Tu crois vraiment ? Et je voudrais savoir entre mon frère et moi. Les parents, ils préfèrent. Franchement, il y a toujours. Si, si, si. Mais non, tu peux pas trancher. Ils peuvent dire. Tiens, JM qui est le vilain petit canard de la famille. Ouais, ouais. Bon, après, je suis pas trop vilain, mais c'est vrai. Après, en fait, quand j'étais plus jeune, surtout, c'est ma sœur qui vraiment, elle excellait dans tous les niveaux. Tu vois, préférais ta sœur. Mais c'est sûr, gros. Elle faisait du chant, elle faisait de la musique, elle faisait des trucs, elle a réussi ses études. Moi, j'étais là, je faisais du foot. Je me levais tous les dimanches matin à 7h dans un sport. Non, mais je pense qu'ils vous aiment pareil. Tu peux pas ne pas aimer. Après, oui, je pense qu'ils aiment pareil, tu vois. Mais c'est vrai, quand il y en a un qui réussit toujours un peu plus, ça doit être un peu difficile. Mais c'est comme toi, Sarah. Est-ce que toi, tu préférais ton père ou ta mère? Non, mais moi, en fait, moi, non, mais moi j'aime les deux, mais j'étais plus proche et de ma maman, je préférais ma maman. Mais c'est une bonne question, parce que c'est vrai que quand tu préfères l'un de tes deux parents pas, c'est un peu le même déchirement. Bah, oui. Finalement, tu peux te mettre dans la même position, Sylvain. Non, mais moi je pense aussi, parce que tu vois, mes parents à un moment donné m'ont dit: toi, on te voulait pas vraiment, tu vois. D'accord. Non, c'est vrai. C'est horrible. C'était un acte. Voilà, un accident. Beaucoup. Ouais, hein, un accident. Beaucoup, moi un aussi, accident moi aussi, c'est comme ça. Ouais. On a 18 mois d'écart avec mon frère, je n'aurais pas dû naître. Alors que voilà, alors que ma sœur, elle a été voulue, tu vois. D'accord. Et je pense que. Putain, je l'ai un peu ressenti, moi. Si la capote n'avait pas craqué, on serait bien. Merde. Pourquoi elle a craqué cette capote? J'aimerais le savoir. Allez, on vous prend les avis et puis on discute de tout ça, de toutes les inconnues que vous avez. Tiens, il y a Tiffany qui a fait le 0800 70 42 48. Ça va, Tiff? Salut Rico, salut l'équipe. Salut. Tiffany, est-ce que t'es coiffeuse? Non. C'est pour pas coiffeuse. Non, mais il y a toujours un salon qui s'est fait coupe-tif. Bienvenue chez Tiff. Ah bah oui, forcément les blagues sur les cheveux, c'est pas. Non, mais c'est vrai, si t'appelles Tiffany, t'es oublié. Si t'es pas coiffeuse, t'as raté ta life. Ah, c'est vrai, bah je vais changer de métier alors. Non, je rigole, bah Tiff. Il faut faire du carré plongeant. Tiffany, raconte-moi ce que t'aimerais savoir que tu ne sais pas. Alors, moi, je me demande combien gagne mon patron dans lequel je suis en alternance. Ah ouais? Et tu sais quoi ton alternance? Tiens, on va essayer de deviner, tiens, vas-y. Alors, moi, je suis dans une boîte d'événementiel, en fait. Je suis en chef de projet en événementiel. D'accord. C'est, vous faites quoi? Vous faites des prestats de communication et des trucs comme ça? C'est ça, surtout basé sur la communication. Et moi, je suis dans une boîte de prestations artistiques, surtout. D'accord. Ouais. Vous avez combien de salariés là-dedans? Alors, il y a une trentaine de salariés environ. Ah ouais. Je vais te dire, par salarié, même un salarié au SMIC, c'est à peu près 3000 euros de charge par mois, entre toutes les conneries et tout. Donc, le mec, s'il en a une trentaine, c'est que lui, il prend le salaire de chaque employé à peu près. Il facture. Il doit être à 100 000 bars. Oh, par mois? Ah oui, le mec, s'il en prend 30. Sinon, la capacité d'en prendre 30, c'est qu'il doit s'en faire faire un max dosé. Oui. T'es fou, quoi. Plus t'as de salariés, plus il y a de l'argent qui est généré. C'est vrai. C'est-à-dire qu'un salarié, ça rapporte un truc par personne. Et si c'est 30, tu fais 30 fois ce que rapporte chaque salarié à peu près. C'est un truc un peu mal choisi. Et le mec, s'il a l'argent pour prendre 30 mecs, souvent c'est qu'il y a l'oseille au bout. Oui. C'est qu'il y a la demande aussi. C'est qu'il y a la demande. Et du coup, il doit générer beaucoup de projets. Et plusieurs petits projets multipliés par le nombre de personnes, il fait trois fois plus qu'une entreprise qui a 10 salariés, je pense. Logiquement, dans la com. Bah non, mais il a qu'à augmenter tout le monde et diminuer son salaire. On l'appelle tout de suite. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h sur Énergie. Nacho. Came to beat, so baby, run away with me. Run away now. you meet me on the east side, in the city where the sun don't set. Énergie, c'est Cédric, salut tout le monde, bon réveil, on est mardi aujourd'hui, on est le 6 novembre, tout va bien, c'est une belle journée qui démarre avec Maroon 5 dans la playlist Énergie. Maroon 5, et avant de le retrouver cet après-midi à 17h, voici le meilleur de Koé sur Énergie. 17h, 20h, c'est Koé sur Énergie. Justement, il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle Parents casse-couilles, je suis retombé là-dessus, et c'est des profs qui ont pris des petits mots de parents sur leurs élèves, les petits bouts de choux. Pas y toucher. Bah, évidemment, je vous en fais quelques-unes. Allez. C'est pourriez-vous penser à acheter des coussins pour la chaise des élèves? Ce serait plus confortable. Bah oui, bien sûr. Les exercices incendie effraient les enfants. Ils font des cauchemars la nuit. Vous pourriez les supprimer, merci. Bah oui, comme ça, s'il y a un incendie, ils sont tous morts. Mais oui, c'est mieux. Vaut mieux faire des cauchemars. À la cantine, mon enfant a trouvé une arête dans le poisson. Pourriez-vous faire attention, merci. Oh bah tiens, une arête dans le poisson et pourquoi pas de la farine dans le pain? Non. Bah je comprends. Serait-il possible d'enlever les pépins dans le raisin? Ma fille, elle aime pas ça. Oui, évidemment. Elle n'a pas en bouffer aussi. Mon enfant pourrait-il entrer le premier à la cantine? Car en ce moment, il fait froid dehors. Surtout s'il a pas de manteau. Ah oui. En plus, il fait froid que pour son gosse. Vous voyez, les autres, ils peuvent avoir froid, elle s'en fout. Bon, oui. Dans la cour de récréation, je vous en fais. Ma fille est tombée hier dans la cour. Elle s'est écorchée le genou. Vous n'avez jamais pensé à mettre de la moquette partout? Merci. Mais ben, allons-y. Mais mettons de la moquette sur les trottoirs, sur les murs. Mais bien sûr, le mec de chez Saint-Maclou, ça va devenir les Saoudiens. Mettons de la moquette sur les arbres. Allons-y. Que comptez-vous faire pour protéger les enfants des fientes d'oiseaux? Il y a quand même la grippe aviaire. Ah voilà, mettons-leur des couches aux pigeons. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Je vous en fais une dernière. Serait-il possible l'année prochaine de couper les arbres dans la cour? Ça aurait pu éviter les raflures sur la joue de ma fille. Oh chérie, tant que c'est pas le bâtard, on va pas nous faire chier non plus. Enfin, c'est rafler la joue. Mais les gamins, c'est fait pour tomber. Vous avez déjà remarqué, on a tous été enfants, on est tous tombés. Oh, on est élastique quand on est gamin. Mais moi, j'ai envie de dire supprimons les arbres, voilà. Et le sol aussi, comme ça, quand les enfants ils tombent, il n'y aura plus de sol. Ou alors de la moquette. 17h, 20h, c'est Koé sur Énergie. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you. Yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up trying to get away. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Cause girls like you, girls like you.

inside me. I'm fading black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear. I'm gonna make it, I'm gonna make it. Music Awards. C'est Dadju sur Énergie. Il attend vos votes sur énergie.fr. Un peu de respect pour respecter. Quand une lionne arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Non, non, non. Jamais son dernier mot. Non, non, non, non. Et tu peux lire sous ses paupières déterminées. Elle agit, elle ne parle pas. Il y en a pas, mais si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord. Elle va tout assumer. Le genre de femme qui à chaque problème s'en sort. Elle va tout assumer. Lionel. Très bien comment gérer sa vie. Charismatique, magique. Elle est sexy. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques, elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Elle va tout assumer. Ouais, bon réveil tout le monde, vous êtes sur Énergie, salut salut, un petit peu plus de 5h, j'espère que tout va bien ce matin, on est mardi, ouais déjà. Marshmello dans un pays d'énergie, ça arrive avec aussi Kenji, la tournée avec Énergie hein, partout en France, ça a bientôt démarré. Il y a toutes les infos, énergie.fr, Marshmello, Kenji, et avant de le retrouver en direct dès 6h, ouais, c'est le meilleur de Manu dans le 6-9 sur Énergie, bon réveil. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. On se fait un pour ou contre. Oui. Ouais. Le principe c'est simple. Chacun dit un truc et les autres disent s'ils sont pour ou s'ils sont contre. Oui, c'est bien, c'est basique. Vous pouvez venir avec nous, 0-870-42-48. Allez, on y va, Glandu. Souhaiter les anniversaires avec un jour de retard, pour ou contre? Ben moi, je suis bon parce que j'oublie les anniversaires. Ah. Ouais. Hier, j'ai souhaité l'anniversaire d'une copine dont l'anniversaire, c'était jeudi. Ouais. Voilà, mais elle m'en voulait pas parce que je le fais chaque année. Ah ouais. J'oublie les anniversaires de tout le monde. Ah, mais tu dis que t'oublies. Parce que moi, je mets « Oups, le message n'était pas parti ». Et Mais ça marche. Hein. Enfin, chaque année, à un moment, ils vont me prendre pour un débile. Ouais, ouais, ils sont gentils, les gens. Ouais, alors, ouais. Avec la fameuse vanne de je suis pas en retard, je suis en avance sur l'an prochain. Ah oui, ah, c'est lourd. Voilà, c'est lourd. Pour ou contre, Nico? Pour ou contre les cafés gourmands? Moi, j'aime bien. Moi. Bah ouais. Bah, moi aussi. Ouais, il y a plus de desserts. Pendant les vacances, j'ai été dans un resto. Ouais. Mmh. Écoutez-moi, le café gourmand, il y avait 10 trucs dedans. Mais 10 ? Ouais. C'était où ? C'était. Bah, oh, c'est, faut qu'on y aille. C'est génial. Non mais attends, c'est génial. Mais là, c'est le vrai gourmand là. Ah non mais 10 trucs dans le café gourmand, wow, c'est-à-dire que tu prends rien en fait. T'arrives, tu dis, on vous prendra quoi ? Que le café gourmand. Mais c'est pas trop cher un café gourmand avec 10 trucs dedans ? Non, alors, c'est tout petit mais... aussi hein. Ouais, ouais. Ah, ouais. Mais, ouais. Mais bon, ouais. C'est l'exception parce que normalement c'est quand même de l'arnaque, faut le dire, le café gourmand. Ah non. C'est ce que tu payes le plus cher pour le moins en quantité. Non mais le café gourmand, c'est t'as l'impression. Non, je prendrais pas de dessert. Oh, je vais juste prendre un café gourmand. Ouais. C'est ça. Tu sais, c'est comme tu vas au McDo et tu prends un Coca Light. Ouais. Ouais. C'est pareil. Ouais. Pour ou contre, on a Dorian qui est avec nos téléphones. Bienvenue Dorian. Salut Manu, salut Romain. Salut. On t'écoute. Pour ou contre la raclette tout seul? Alors tu sais quoi, à chaque fois que je dis ce que je pense de la raclette tout seul, on me tombe dessus. Ouais. Je suis pour. Oh là, mais non. Mais non, mais pourquoi? C'est triste. Vous avez déjà tous mangé tout seul chez vous? Ouais. Ok, pourquoi pas une raclette? Mais non. Mais non, mais pourquoi pas une raclette? Parce que la raclette, c'est le partage, c'est le gage. Quand... Ah non, c'est la fondue ça. Mais c'est... Non, et c'est tu gueules quand l'autre en prend trop et tout. Il y a aussi ça. Il y a des engueulades, il y a des réconciliations. Non, c'est vrai. La raclette, c'est tout ça, c'est ce qui fait le charme. J'adore la raclette, j'adore la tartiflette. En manger une tout seul chez moi, c'est mon petit plaisir. Manu, il y a combien de petites casseroles là dans la raclette? Tu vois, il y en a plusieurs, il y en a au moins 6. Tu sais, les petits machins que tu mets là. Bon, bah tu vois, tout seul face à ça, c'est tellement triste. Eh ben, tu n'es pas au courant qu'il y a des petits plats à raclette déjà que pour deux maintenant et pour un aussi. Ah ouais. Mais bien sûr. Mais quoi, mais non, ça t'évite de sortir tout le bordel. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus chiant au monde que d'aller sortir le plat à raclette? On sait même plus où il est, dans quelle armoire, où est-ce qu'on l'a mis. Attends, c'est dans quel carton? Et tu le sors et bing bing, ça tombe. Et c'est dégueulasse. Et tu sens les petites raclettes en bois là, elles sont toutes dégueulasses. Ouais. Ah. Mais on est d'accord que quand tu passes à la caisse avec ton truc de raclette tout seul, il y a une petite musique triste. Non, je dis un truc, je le commande sur internet. Malin. Je vous en prie. Amazon est mon meilleur ami. Si je pouvais commander le PQ sur Amazon, je le ferais. Dorian, merci de nous avoir appelé. On te souhaite une belle journée. Merci à vous, au revoir. Ciao. Pour ou contre, Isabelle? La trottinette électrique. La trottinette électrique? Oui. Ah, ouais. Grand débat. Je sais pas. En fait, le problème de la trottinette, c'est à partir de quel âge t'as l'air con sur la trottinette. Ouais, c'est ça. Non, vraiment. Carrément pour moi. Je suis trop fan maintenant. J'ai essayé. C'est génial en fait. Ah ouais. Il y en a partout maintenant dans les villes, dans les grandes villes. Et en fait, t'essaies, t'es trop bien. Tu peux aller vite et tout. Bon, j'ai l'impression d'avoir le permis. Un, tu vas pas vite. Ouais. Et deux, moi, je trouve que franchement, t'as l'air con. Non, vraiment. Non. Et moi je vais faire le vieux, mais c'est dangereux pour les piétons. Combien de fois j'ai été frôlé par une trottinette? Mais attends, les trottinettes, elles doivent aller sur la route, hein? Ah oui, ah non. Elles roulent sur les elles vont être interdites bientôt sur les trottoirs, mais elles le sont pas encore. Et le port du casque est obligatoire, ça, il y a plein de gens qui disent ça. Non mais sans vanne, les gars, non mais rigolez pas, c'est vrai, le port du casque c'est comme le petit casque à vélo là. Et c'est pour ça aussi que j'en fais pas, parce que là t'es encore plus ridicule du coup. Ah ouais, le port du casque et le gilet jaune. Ah mais pas long, on y arrive. Sur la trottinette. Avec les gants et le blouson de moto. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Manu. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Lately, I've been thinking. I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. I'm left there with my thoughts. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise lately I've been thinking I want you to be happier. I want you to be happier. Then only for a minute I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. Enfant des villes, ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera, comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Tant qu'on passe à pleurer, ça m'encelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête. Pour oublier. Faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Vous êtes sur Énergie, salut, bon réveil. C'est un petit point horoscope pour ce mardi. Important. Énergie, oui, vous l'attendez. Avec les béliers, la lune vous propulse sur d'autres projets. Les taureaux, vos affaires amorcent un virage positif. Les gémeaux, vos réseaux s'activent. C'est bien, les cancers, profitez-en pour revoir la stratégie d'un projet. Les lions, ce mardi décuple votre esprit d'entreprise. Les vierges, la lune stresse vos activités. Les balances, vous bougez, vous innovez aujourd'hui. Quant aux scorpions, vous bousculez votre emploi du temps. Les sagittaires, ce soir, lâchez du lest. Les capricornes, vos idées sont excellentes. Les verseaux, la lune met votre image en valeur. Les poissons, la famille est au centre de cette nouvelle journée. Voilà pour l'horoscope, il est dispo sur energie.fr. On sait aussi la playlist énergie avec Kaiser Panda et Dean Lewis et le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Bon réveil. Koé sur Énergie. L'homme qui ne s'est pas épelé couscous. C-O-U-C-O-U-S. Non. C-O-U-C-O-U-S. C'était l'homme qui ne s'est pas appelé couscous. Ça fait coucous. Ah, ça fait coucous. Oui, parce qu'il a l'habitude, il réduit les portions maintenant. Non, je prends pas un couscous, je prends un couscous. Parce qu'un couscous, c'est moins de calories qu'un couscous. C'est Coé, c'est à 17h. C'est sur Énergie. Ce vendredi, tirage exceptionnel, Euromillion Malmillion. 5 joueurs en France vont gagner 1 million d'euros chacun. Alors, imaginez. FDJ, offre valable en République française et Monaco. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Énergie, Hit Music Only. Avec MC Solar en concert. C'est MC Solar sur Énergie. MC Solar est enfin de retour sur scène dans toute la France. Et le 22 novembre 2018, à l'Accor Hôtel Arena à Paris. Pour sa tournée événement Géopolitique Tour. Infos et réservations. Énergie.fr. PSPROD.com et point de vente habituel. MC Solar en concert. Un événement Énergie. Concession BMW. 10h12. Ici, vous avez la série 5. Ok, j'achète. 11h16. Je vous présente notre superbe BMW. C'est bon, je la prends. 13h02. Pour découvrir le plaisir de conduire. Oui, mais elle est pour moi. Pas de temps à perdre. Rencontrez-vous aussi la voiture qui vous fera craquer pendant les BMW Speed Dating chez votre concessionnaire BMW. Pour profiter de nos offres coup de cœur avant tout le monde, inscrivez-vous jusqu'au 9 novembre sur bmwspeeddating.fr. Ne faites pas attendre votre prochain coup de cœur. Gagnez toute la journée votre compile officielle des Energy Music Awards 2018. Tous les hits de l'année 2018 sont réunis sur 3 CD plus un DVD en édition collector avec Jay, Calvin Harris, Dua Lipa, Tatu, David Guetta et Anne-Marie, Vita et Slimane, Luan. La compile officielle Energy Music Awards 2018, déjà dans les bacs. Energy. Take it one flight. We'd be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. I can feel the tension. We could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. 'Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. y te llama. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche es muy larga, así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mujer, y si no pues tú dos ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque, de noche me floco como Yandel. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate de tres mamacita. Todo el mundo quiere, toda la mami lo quiere. Sé que prefiere, mami, tu cuerpo no miente. La gente me echa, Bogotá va a rumbear y Bogotá va a danzar. No llego todos a Pipura y en el oriente, todos quieren fiesta y bailar. La gente me echa, la gente quiere fiesta y rumba, ya la vea, quiero el ritmo sin ley. Papi, Pipura, vamos a romper. Your sad and teary eyes, you look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand, but it's cold. You pull away again, and I wonder what's on your mind. And then you say to me, you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You'll find another and you'll be just fine. Let her go. Nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go. qu'est-ce qu'ils attendent? Je pense qu'ils veulent ma dame. Rampe comme un serpent, je suis sûr que c'est un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle me dit je t'aime, mais je suis sonné. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle pense au mariage, mais je suis sonné. Emprisonner ou peut-être m'empoisonner. Ah, entouré de traîtres, on est. Faut savoir sur qui tu pointes ton pistolet. Pris dans un engrenage, tout va tout vite pour moi, oui, Angela. N'en fais pas, genre. Angela. C'est in love, qu'est-ce qu'ils attendent? J'pense qu'ils veulent ma dame. Rampe comme un serpent, c'est sûr que c'est un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais j'suis sonné. Complètement sonné, elle me dit je t'aime mais je suis sonné. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle pense au mariage mais je suis sonné. Mon cœur est sous-zélé, donc ma relation est sur la sellette, n'est-ce pas? Elle nous porte l'œil, pourquoi tes copines veulent s'en mêler? Je ne veux pas que tu penses tout ça sur moi. Tu m'aimes ou pas? Oui, mais parfois je doute de toi. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? Je pense qu'ils veulent ma dame. Rampe comme un serpent, je suis sûr que c'est un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle me dit je t'aime, mais je suis sonné. Mais je suis sonné, ah, complètement sonné. Et pour ce mariage, mais je suis sonné. Vous êtes sur Énergie, salut tout le monde, bon réveil, belle journée, j'espère que ça va, que vous avez bien dormi. Bon taf aussi hein, là, pour ceux qui bossent déjà en ce moment. On va écouter The Prince Karma et LSD dans la playlist Énergie. Métaux dans moins de 10 minutes et avant de le retrouver en pleine forme dès 6h, celui qui double votre salaire chaque matin, 7h05 et 8h05. Oui, inscrivez-vous à énergie.fr, c'est le meilleur de Manu dans le 6-9 sur Énergie. Énergie. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Voici Nico. Ouais. Un homme bien sous tout rapport. Ouais. Ah beau. Ouais. Plutôt musclé, ouais. Mais très très très poilu. Ouais, c'est le problème. Ça, c'est le souci de Nico. On va pas se mentir. C'est vrai qu'à la plage, souvent les gens n'osent pas se mettre à côté de lui. Allez, ouais. Les gens me demandent d'enlever mon t-shirt que je n'ai pas en fait. Ce sont mes poils. Mais toute cette conversation n'a aucun rapport avec ce qu'il fait. Non, non. Ouais. C'est-à-dire lire les messages sur les réseaux sociaux, sur nos comptes Facebook, sur Twitter. Et puis il écoute aussi tous les messages vocaux que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Bon, vous nous posez plein de questions justement sur Facebook, Twitter et Instagram, on va tenter de répondre à quelques-uns. Répondons. Ah. Allez. Ophélie, elle nous demande sur Facebook, un mec en boîte m'a dit que je dansais de façon rigolote, ça veut dire quoi? Ah, c'est bah, pas quand tu danses de façon rigolote, c'est que c'est, a priori, si tu danses pas très sexy. Et ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, mais moi je pense que le mec peut être sous le charme, hein, parce que quand tu trouves quelqu'un de rigolo, bah t'es déjà un petit peu charmé. Moi je pense que c'est bien parti. Bien sûr, tu lui tapes sur l'épaule en disant allez bien, on est cool. C'est pas rigolo, c'est pas sexy quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est différent. Ouais, tu pourrais sortir avec une fille qui est rigolote, mais que tu trouves pas potentiellement ultra sexy, mais juste elle te fait trop marrer, tu sors avec. Ouais. Non, je suis d'accord avec Colette. Bon, d'accord. Ouais. Ouais. Alors, c'est pas si simple. Non. Elle est bien ma réponse. On a reçu une autre question de Robin sur Twitter qui dit quelqu'un dans le studio a déjà porté les Crocs, j'aimerais passer le cap. Je n'ai jamais mis de Crocs de ma vie. Ah. T'as jamais essayé, même dans c'est un magasin? Il y a deux choses dans la vie que je ferais pas. Ouais. Un, voir Titanic, parce que maintenant j'en fais. Voilà. Ouais. J'ai jamais vu. C'est et j'ai jamais mis de Crocs. Ah ouais. Voilà. Va voir Titanic en Crocs. Non. Je te jure, Manu, tu vas kiffer. Oh, l'idée nulle. Et le mec chelou, un peu, quand même. Note à moi-même. Ne jamais demander les idées à Isabelle. Ouais, ouais. Bon, une dernière question de Sabrina rapidement qui dit mon boss termine tous ses mails par un smiley clin d'œil. C'est de la drague ou pas? Ça dépend, il met une aubergine après. Oh. Ah oui, effectivement. Peut-être. Smiley clin d'œil, je sais pas. Ça dépend, c'est à toute la boîte. Non, c'est que à toi. Oui. Tu vois ? Ah oui, si, mais à chaque fois, le smiley clin d'œil, tout le temps. Peut-être qu'il lui demande des choses un petit peu compliquées, donc pour la bonne ambiance, il met un petit smiley clin d'œil. Ouais. Ah bon ? Tu vois, pour que ça passe mieux. Tu demandes des choses compliquées, tu mets un smiley clin d'œil. Ouais. Ouais. Un smiley sourire, mais pas un smiley clin d'œil. Moi, je pense qu'il la drague. Vous serez payé 100 euros de moins, smiley clin d'œil. Ça passe mieux. Tu passes à la compta, smiley clin d'œil. C'est bien. Bon, tous les jours, on reçoit plein de messages vocaux si vous pouvez nous envoyer sur notre application Manu en 6-9. Et on démarre justement avec un message de Joy qui craque. À cause des chats. Manu, je commence à penser que t'as raison. Les chats, ils veulent prendre le pouvoir. Les chats, ils veulent nous faire du mal, les chats. Les chats, c'est le mal, c'est les démons. Les chats, toutes les nuits, ils font maou, maou, maou. Parce qu'ils veulent rentrer, parce qu'ils veulent sortir. Ou alors, ils te sautent sur la gueule parce qu'ils en ont rien à foutre. Je n'en peux plus, Manu. Je ne peux plus dormir, Manu, je n'en peux plus. Le monde commence à s'éveiller. Ah ouais. Vous voulez que je vous dise un truc véridique? Vas-y. Ok, un pote a un chat depuis ça fait un mois. Ouais. Ok. Ouais. Il a adopté un chat. D'accord. Et on lui a donné un petit chat. Ok. Ouais. Le petit chaton. Oui. Je ne sais pas comment il a réussi à avoir autant. Il a un escalier chez lui. Mm-hmm. Le chat a fait caca sur chaque marche. Mais non. Oui. C'est tellement tout, drôle. Je ne sais même pas tout. Il avait une réserve de caca comme ça. Sur chaque marche, le chat a fait caca. Le petit poussé nul. Mais oui. Non mais sans déconner. Il était peut-être tout simplement malade. Et vous voyez toujours une conspiration. Excuse-moi Paulette, si je suis malade, je fais pas caca sur l'escalier. Ouais, ouais. Je dépose pas une crotte sur chaque marche. Il y a un moment, ils le font exprès quoi. Ouais, ouais. Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux sur les chats? Putain, le terrain miné, t'imagines, c'est la nuit, tu te lèves, t'allumes pas la lumière quoi. Mais oui, fais avoir, c'est pas sympa, après, c'est un piège. Si c'est chaque marche, c'est quand même une performance. Non mais il y a un côté artistique derrière chaque marche, c'est fort quand même, je trouve. Ah mais ouais. C'est fort, mais je vais te le faire mais chez chaque toi. Marche, tu sais quoi, Gondu? Si t'arrives sur chaque marche, je suis impressionné. Tu vois, dis pas non. Je suis prêt à mettre très cher pour devoir faire ça. C'est dégueu, les gars, c'est dégueu. Cette discussion va trop loin. Ouais, ouais. Bon, on enchaîne. Dernier message vocal, on termine par le concept qu'on avait lancé avant les vacances, c'est les coups de gueule en chanson. Ah, c'est génial. Vous avez envie de crier sur quelqu'un, vous êtes pas content, arrêtez de crier, faites-le en chanson. On a reçu un très drôle, écoutez. Le clic-clic, le clignotant. Apparemment, c'est en option sur les voitures. Hey, le clic-clic, le clignotant. C'est la manette à ta gauche en dessous du volant. Hey, le clic-clic, le clignotant. Apparemment, c'est comme le point G, tu ne sais pas le trouver. Hey! Oh, ouais! Oh! Boum! Elle est pas contente dans les embouteillages. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Énergie. C'est Malu dans le 6-9 sur Énergie. I've got to wait in line. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Later, bitches. Bitches. I'm not like wearing any underwear. bitches. Énergie, bienvenue tout le monde. Énergie, météo. Bah avec un petit peu de soleil sur le Grand Est ce matin, sinon c'est assez couvert, voire carrément maussade. Les températures de 7 à 16 degrés. Cet après-midi, ça reste ensoleillé au nord-est et maussade dans le reste du pays. Les températures 13 à Brest, il y aura 15 au Havre, à Nantes, Limoges et Lyon. 19 à Paris, Strasbourg, Dijon, Nice, Marseille et Bordeaux. Et 21 degrés à Lille. Un bon réveil avec nous sur Énergie. Retour en direct de Manu dans 6-9 sur Énergie, c'est dès 6h. Alors je sais que vous avez envie de lui parler des fois en direct dans l'émission. Pour ça, très simple, vous l'appelez 0870 42 48. Manu dans 6-9 sur Energy en direct dès 6h. Et VG Dream dans la playlist Energy maintenant. Ousmane Dembélé, ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus. Énergie, j'espère que tout va bien ce matin. C'est Cédric, salut, salut, bon réveil, belle journée. On va écouter Shakira, la petite classique dans la playlist Énergie. Shakira est derrière, retour en direct de Manu dans 6-9 sur Énergie. C'est juste avant 6h, il est avec vous jusqu'à 9h30. Et d'ici là, voici le meilleur de l'émission sur Énergie. Bon réveil. Manu. Manu et les ouais, on vous aime. Manu dans 6-9 sur Énergie. J'ai trouvé une liste des mensonges les plus réguliers que l'on fait au premier rendez-vous. Ah ouais? Soyons honnêtes. Notre vrai nombre d'ex. Ah bah forcément. Oui. Ah. Si t'en as eu beaucoup, tu le diminues parce que ça peut faire peur. Bah oui. Et si t'en as pas eu assez, tu l'augmentes. Ouais. Tu dis jamais le bon nombre. Non, faut tomber dans une moyenne autour de 12 quoi. Ah ouais? Wow, c'est beaucoup. C'est pas mal, 12 c'est déjà. Ouais. Autour de 8 alors. Je me suis trompé. On ment aussi au premier rendez-vous sur le nombre de relations sexuelles. Ça a un peu rapport avec les ex. Ouais. On ment aussi sur notre situation financière. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a, Paulette? Moi, je mentirais jamais. Je dirais toujours, je suis à découvert le 10. Ouais. C'est le Tu l'as dit au premier rendez-vous? J'avoue que j'ai un petit problème avec les fringues. Hein. Un petit problème. Un gros problème. Tu veux dire que ta vie est un problème. Ouais. Après, avec Paulette, ça se voit quoi. Quand t'as 3 fois paiement refusé sur la carte bancaire, tu peux pas dire tout va bien. Ouais. Bah, Paulette, au premier rendez-vous, dit alors, je t'aurais bien proposé de partager, mais ça ne passera pas. Donc, gagnons du temps. Ouais. Dans les mensonges au premier rendez-vous, il y a le lieu où on habite aussi. Ah apparemment, des gens mentent sur le lieu où ils habitent. Chelou. Mais la fille qui a peut-être peur d'être traquée par le gars, tu vois. Elle dit si ça se passe mal, au cas où je lui donne un faux lieu. Oh. Peut-être c'est ça. Moi je pensais à genre j'habite chez mes parents, mais je le dis pas quoi. Oui, c'est peut-être ça aussi, ouais. Ou alors j'habite avec une nana, je le dis pas. C'est glauque. Les mensonges au premier rendez-vous, il y a aussi l'âge. Alors, mensonge plus souvent utilisé par les femmes, apparemment. Ah ouais. Vous mentez sur l'âge. Ah bah c'est pas malin, parce que si la relation dure et que. Enfin, tu vois, tu dois faire mentir tous tes amis, ta famille, et puis au bout d'un moment, il y a le mariage, il se passe des trucs où tu peux voir la date de naissance. Mais attends, on a une histoire là-dessus dans l'équipe. Le père de Flo. Ah oui, génial. Faut qu'on vous raconte. Ah bon? Est-ce qu'on peut faire. Est-ce que Flo peut venir? Faut qu'il raconte cette histoire. Honnêtement, la plus grosse histoire de mensonge sur l'âge à un premier rendez-vous, on l'a dans notre équipe. Ah bah voilà. C'est improbable. Flo, alors merci. J'ai pas qu'une histoire. Flo, de temps en temps, il intervient dans l'émission. C'est lui qui fabrique les jingles, les sons, tout ça. Ouais. Voilà, il est dans un petit studio à côté pendant l'émission. Et en fait, il ne vient que dans l'émission pour parler à chaque fois qu'il lui arrive un truc dingue. Ouais. Il lui arrive tout le temps des trucs dingues. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous faire une version assez courte? Je sais qu'elle est un peu longue l'histoire quand même, mais bon. L'histoire de ton père qui avait menti sur son âge. Mais à quel moment? Parce qu'il a menti plein de fois. Oh là, oh là, là. Quand il se faisait appeler Eric. Ah oui, il y avait le prénom. Oh là là. Ah, j'en ai plein. Non, l'âge, et quand il avait demandé à tous les gens pour la soirée de mentir. Ah oui, on fêtait son anniversaire chez lui. Voilà. Il avait rencontré une dame sur un site de rencontre. Ok. Donc il se rajeunissait de 10 ans toujours. Ah ouais. Et donc vient l'anniversaire chez lui, la fille est invitée. Et donc il avait prévenu tout le monde qu'il fallait évidemment pas faire de bêtises. Ah, il avait pas 40 ans, il en avait 30 quoi. Sauf que c'est très difficile. Bah oui. Ah oui. Et donc tout le monde, il avait prévenu tout le monde en disant j'ai pas 46, j'ai 36. Peut-être pas quand même, il est un peu plus âgé que ça, mais 50 au lieu de 60. D'accord. Ouais. Ah, oui. Et sur les bougies, vous aviez pas mis tout était calibré. Génial. Oh le génie. Un plan qui se déroule sans accroc. Tout le monde était de mèche quoi. Parce qu'à cette soirée-là, mon père s'appelle Gérard. Oui. Et comme il s'était rajeuni de 10 ans pour coller plus à l'âge, il se faisait appeler Eric. Donc il fallait l'appeler Eric. Ah oui. Oh non, mais c'est qu'il avait changé son âge et son prénom. Exactement. C'est génial. Et donc ça fait encore plus dur. Et donc il est resté avec une nana qui ne connaissait pas son vrai âge et son vrai prénom. Oui, mais ça a été depuis un mois, quoi. Donc Oui, mais bon. Voilà, bizarre. Et il a prévenu tout le monde. Donc pendant toute la soirée, il fallait l'appeler Eric, quoi. Exactement. Et moi, je l'appelais papa, c'était plus simple. Oui. Génial. Pour toi, c'était pratique. Pour moi, c'était pratique. C'est génial. Ça a duré longtemps l'histoire avec la nana ou Pas très longtemps, non. Non, étonnant. Pourtant, ça partait sur des bonnes basses scènes. Hein. Ah oui, c'est ça. Pas merci. Tu reviens dès que t'as une autre histoire avec ton père. Je pourrais continuer là. Gardons-en pour plus tard. Génial. Tout à l'heure, 6h, 9h30, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Tell me, babe, are you happy now? Que tiene. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle y que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no y otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Esos movimientos sexy siempre me entretiene. Sabe manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda. No pares por la toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído. No vaya a interesar lo que no se ha torcido. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime qué pa' mi bebé. ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no y otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Sur Énergie, il est 5h55 déjà. Ah oh oui, dis donc. Bah oui, mais la nuit, la nuit fut courte. J'ai un nouveau lit. Ah ouais? J'ai un nouveau lit qui m'a été livré hier. Oh, trop cool. Ah, j'ai bien dormi. Mais je pense que c'est uniquement psychologique. Ouais. Parce que je savais que j'avais un nouveau lit, donc je me suis dit, j'ai bien dormi. T'as pris dur ou mou? J'ai pris mou. Ah, c'est bien ça. Non, le mec du magasin, il m'a dit que en fait dur, c'était une légende, que mou, ah on bon était bien dedans, et mou, que c'est bien, ouais. Et effectivement, je suis assez mou dedans, c'est ah bien. Et t'as sauté dessus? Non, j'ai pas sauté dessus. Hein, parce que le mec du magasin me l'a vendu assez cher. Et je vais dire un truc, ça me fait même chier de dormir dedans, tellement il est cher. Donc autant vous dire que je suis en forme. On démarre l'émission dans 5 minutes. C'est Malu dans le 6-9. Soyez les bienvenus. Mais avant ça, évidemment. Avant ça, avant de démarrer à 6h, c'est notre moment à nous, entre vous et nous. À 5h55, c'est le club du 555. On se fait un petit plaisir, on s'écoute un titre qui va nous lancer la journée. Et aujourd'hui, c'est vous qui l'avez choisi. Ouais. On a reçu ce message de Jessie. Il est osé le message. Ah. C'est osé de faire ça. Mais je dis, pourquoi pas? Écoutez bien. Salut l'équipe, je vous écoute tous les matins dans le club du 555, parce que c'est le moment où je suis en voiture pour aller bosser. Et j'aimerais beaucoup écouter, si c'est possible, la chanson de Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Merci. C'est osé. Ah ouais. Écoutez, Shania Twain, un truc d'un peu country. À 5h55 le matin. Ça s'étend. Ah ouais. Attention. Shania Twain sur Énergie. Ça n'a pas vieilli.